Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Évidemment, je ne suis pas seul, je suis avec Rémi. Comment ça va Rémi ? Yo tout le monde, bon, je vais bien, réveil matinal, petite surprise ce matin, parce que là il y a une grosse surprise dans les box scores. Bah ouais, c'est clair. On va en parler. C'était pas très attendu, mais on va en parler. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux demi-finales de conf à l'Ouest. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste, on s'en occupe. C'est parti. Et donc, nous allons tout de suite nous pencher sur la série qui fait tant parler, celle entre les Nuggets et les Wolves. Pour rappeler, on en avait déjà dit dans la dernière émission, mais les Wolves qui ont sorti les Suns 4-0 et Denver qui s'est gentiment débarrassé des Lakers 4-1 pour une demi-finale au sommet entre deux équipes qui ont fait la plupart du taf déjà en saison régulière tout en haut de l'Ouest et qui se retrouvent du coup en demi-finale avec une belle confrontation à venir, avec un premier match où les Wolves se sont imposés 106-99, je crois. Voilà, il me semble que le score c'est ça, effectivement. Avec un énorme Anthony Edwards qui fait la différence. Un énorme Anthony Edwards, record en playoff, il me semble, à ce moment-là. 43 points, 7 rebonds et 3 passes. Ouais, c'est possible. Donc, très belle perf collective, défensive de la part des Wolves. Ils nous l'ont montré face aux Suns et ça a confirmé sur ce match 1 face à Denver. Jokic en face a fait son match, même si Gobert a plutôt fait le taf. Nasri aussi en suppléant. Après, Jokic, c'est dur de le contenir malgré tout. On a surtout, enfin, tous les yeux étaient rivés du coup sur le game 2. Qui était cette nuit. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Rémi? Du coup, game 2, avant de parler du match en lui-même, on avait Rudy Gobert qui était annoncé questionable parce qu'en fait, normalement, c'est sa femme est censée accoucher, donc je sais même pas ce qu'il en est, si elle a accouché ou non, là, à l'heure où on parle. Minnesota, du coup, a dit, écoute, c'est priorité au bébé, donc si tu joues pas un match, c'est pas grave. Ce qui est cohérent, ils reprennent l'avantage du terrain dès le premier match, grâce à une grosse défense, un grand Anthony Edwards, donc game 2, au pire des cas, tu le perds, qui a perdu Rudy Gobert, c'est pas très gênant. Donc Rudy Gobert est pas là, et au final, tu gagnes quand même, parce que défense collective incroyable. Dès la première mi-temps, on l'avait vu déjà dans la série contre les Lakers, Denver a un peu du mal à rentrer dans le match en première mi-temps, et contre les Lakers, ça passait, parce qu'ils arrivaient à revenir seconde mi-temps plutôt facilement, parce que l'équipe est bien meilleure. Malheureusement, la contre Minnesota, c'est trop compliqué, parce que défensivement, ça passe pas. Ça passe pas, parce que trop en place, côté Wolves. Ouais. Ils ont mis en difficulté sur une pression tout terrain Jamal Murray qui a eu du mal à exister sur ce match, notamment au shoot, mais aussi dans la création. Il a été très souvent doublé, etc. Et en fait, ça a été très compliqué. On a vu des séquences où Nasrid fait de Jokic un petit enfant de 4 ans. Donc c'est incroyable ce qu'ils ont su proposer. En plus de ça, ça a libéré beaucoup de paniers faciles en contre-attaque. Parce que forcément, quand tu forces les pertes de balles et que tu empêches ton équipe, enfin ton adversaire de marquer, on sait que Minnesota est capable de courir, notamment Anthony Edwards qui a beaucoup fini au cercle tout seul au final. Donc ça a pu aussi lui le mettre en confiance dans le match. Et en seconde mi-temps, on l'a vu mettre des fadeaways sur des doubles, sur des prises à deux, etc. Enfin, il a été monstrueux des deux côtés du terrain. Et c'est surtout collectivement, en fait, qu'ils ont pris une avance de 20 points assez rapidement et qu'en fait, ils n'ont pas lâché. Denver était sans solution. Victoire, du coup, 106-80 pour le champion en titre qui se retrouve mené 2-0 et qui doit se déplacer pour deux matchs à Minnesota. Ça va être très très compliqué hein, parce que là du coup ces deux matchs là tu perds entièrement l'avantage du terrain, tu dois aller à Minnesota pour remporter deux matchs, sachant que le dernier match tu prends une branlée. Tu perds de 26 points, ton meilleur joueur Nikola Jokic, donc double MVP des finales l'année dernière, très en difficulté en l'absence de Rudy Gobert, ça c'est quand même fou. L'équipe shoot qu'à seulement 35% dans la globalité, ce qui est vraiment nul, clairement. Ah bah oui. Et c'est encore plus notable, Denver, qui est une équipe quand même, j'en parlais hier avec Indiana, mais Denver, c'est une équipe aussi qui fait plutôt bien tourner le ballon. Dans la série contre les Lakers, on est aux alentours des 26-27 passes décisives en total. Ouais. Là, cette nuit, on n'est que sur 16 passes décisives. Donc, en fait, ça se ressent en 16 passes décisives, 35% en shoot. Ils n'arrivent pas à se trouver, ça prend des tirs compliqués, ça ne rentre pas, tu restes à 80 points. Voilà, merci. Bah, c'est surtout que même s'ils en fait, à partir du moment où ils arrivaient à créer un décalage, c'était tellement vite comblé par Ouais. les Wolves que ça devient une... enfin, c'était suffocant en fait. Ils n'arrivaient pas à se créer des tirs ouverts dans des fauteuils parce que c'était impossible d'avoir un tir tranquille. Il y a eu, en première mi-temps, dans le premier quart notamment, c'est Aaron Gordon qui se retrouve seul à 3 points parce que bah, c'est un mec que tu peux laisser shooter parce que de base c'est pas un gros Oui, shooter. complètement. Alors il a mis dedans, ça les a maintenus au début du match, mais dès qu'il a arrêté de rentrer les tirs, bah, ça a été très compliqué, hein. Et Jamal Murray en est le parfait exemple aussi, tu vois, dans son 3 sur 18, il me semble, au tir. Ouais, très très mauvais au shoot cette nuit. En fait, il a pas réussi à respirer parce qu'ils savent que Jamal Murray, donc le meilleur joueur, c'est Nikola Jokic, mais la pierre angulaire, on va dire, de l'équipe, c'est Jamal Murray parce que c'est lui qui va apporter la création, qui va trouver Nikola Jokic dans son spot pour qu'il puisse trouver son shoot ou la bonne passe ou autre. Et comme tu l'as dit, la presse tout terrain, tu l'étouffes, tu l'empêches de respirer, il n'arrive pas à trouver ses spots, il a du mal à trouver Jokic. Il a été frustré aussi. Ouais. Et derrière, en fait, bah, c'est tout le plan de jeu de Denver qui s'écroule parce que la pierre angulaire qui est Jamal Murray dans la création de jeu, elle tombe à l'eau. Ouais, on a vu Jokic même en difficulté, hein, 5 sur 13 au tir. Ouais. C'est surprenant aussi de le voir aussi avec autant de déchets. Bon, il met quand même 16-16-10, ce qui n'est pas non plus un mauvais match parce que ça reste un triple-double. En attendant, en fait, ils ont manqué d'un leader offensif en termes numériques, je veux dire, sur ce match. Moi, ce que j'ai pas aimé dans l'attitude côté Denver, c'est à partir du moment où ils ont vu qu'ils commençaient à prendre l'eau, ça a direct commencé de se plaindre de l'arbitrage, à Ouais. contester toutes les décisions. On a vu merde, le coach de Denver, j'ai mâché son nom. Malone. Voilà, Mike Mike Malone Malone. qui rentre sur le terrain pour haranguer les arbitres sur chaque contact. Enfin, c'est pas un visage que j'ai aimé voir. On a Jamal Murray qui est sur le banc et qui Ouais. envoie, bon, peut-être un peu involontairement selon certains, Ça chaufferait sur le sa côté. chaufferette, ouais, pour son genou, je sais quoi, sur le terrain pendant que les mecs jouent. Enfin, non, ça a été Ouais, pas non, un c'est beau pas ouf. visage du champion en titre sur ce match 2. Ouais, je suis d'accord. Bah là, je pense qu'ils se perdent un peu. Ils ont eu du mal à se lancer, je pense, dans la série contre les Lakers. Parce que même si la série a été plutôt disputée, mais en fait, Denver a joué, je pense, en sous-régime. Ouais. Tandis qu'à l'inverse, Minnesota est en sous-régime depuis le début. Et là, la différence se fait ressentir. Et je pense qu'il y a une grosse frustration côté Denver. Ah bah oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. On Très se bon match retrouve de avec Karl Anthony des. Towns aussi, hein. Parce qu'on Ouais, parle de Karl-Anthony la Towns, c'est méforme de top. Denver, mais en fait, offensivement, ça a tellement bien tourné pour les Wolves. Enfin, ça a Ah, été c'est ouf. impressionnant. Kyle Anderson qui a fait son retour dans le 5, du coup, pour compenser l'absence de Rudy, décalé au poste 4 avec Karl en 5. Absolument. Ça a été intéressant et surtout bah en fait moi ce qui me fait plaisir c'est tu vois quand tu as une équipe qui a autant de profondeur parce qu'en fait quand Nazrid et Nickeil Alexander-Walker peuvent planter 15 points par match en sortie de banc chacun bah en Ouais. fait tu enfin Ouais, c'est ça fait très très mal. compliqué. Ouais, absolument. C'est très dur. Mike Conley a Ouais, fait un très absolument. bon Et match puis même aussi, hein. le temps de jeu géré par notre coach côté Minnesota est absolument bien géré. Je veux dire, on a un 5 majeur qui tient la route. À Notre joueur 37 qui. minutes maximum. Voilà, c'est ça. 37 minutes pour Anthony Edwards, 35 pour Karl Anthony Towns, 31 pour Mike Conley. On a l'impression que les mecs qui sont en saison régulière, ça fait jouer le banc. Il y a tous les joueurs qui ont joué. Au moins 3 minutes pour les mecs vraiment en fond de banc, mais vraiment tout le monde a joué alors qu'on est en playoff, on est en finale de conf. Mais Ah bah Denver oui. était tellement sous l'eau qu'en fait tu peux te permettre d'envoyer un peu tous tes gars parce que tu as 25 points d'avance, que ton effectif y tourne. Donc ce fut une promenade de santé pour Minnesota. C'est clair, et j'ai envie de dire, même sur un match serré qui était le Game 1, bah, à part Anthony Edwards qui était tellement fou sur ce match que tu le fais jouer 42 minutes, mais tout le monde ne dépasse pas les 35 minutes. Ah si, Ouais, il y a Jalen complètement. McDaniels qui est à 38. Mais enfin, c'est. Ça va en fait. Je trouve Ah ouais, mais que. complètement. Enfin, se bat sur tes joueurs, les mecs savent ce qu'ils ont à faire. En fait, tout le monde se bat défensivement, collectivement, c'est vraiment impressionnant. Il y a certains talents individuels défensivement qui sont extrêmement bons, hein, ça c'est clair. Ah Mais bah oui. collectivement, en fait, ça switch sur tout, etc. Et même quand tu as ton meilleur défenseur, du coup, qui est Rudy Gobert, qui est ton protecteur d'arceau par excellence, qui est. Voilà, et on a le résultat ce soir. Hein. Ceux qui nous écoutent, ils le savent déjà, mais normalement, si tout se passe bien, Rudy Gobert a eu son trophée de défenseur de l'année. Hein. Ouais. Quand il n'est pas là, Minnesota, ça défend quand même extrêmement bien et ça limite le champion en titre à seulement 80 points. Ça, moi, je trouve ça. Ah ben, je trouve ça fou. Je trouve ça Je fou. suis sur le cul. Là, du coup, sur les deux premiers matchs, Denver dépasse pas les 90 points. Denver a 99 au Game 1. Il y a Oui, mais du 106-99. coup, je veux dire en moyenne sur Ah les oui, deux en matchs. moyenne. Ouais, complètement, C'est ouais. impressionnant. Ouais. Ouais, c'est assez fou. Pendant la preview, on disait comme quoi Denver avait trouvé des solutions tactiquement, collectivement, mettre en place des systèmes pour pouvoir réussir à attaquer le panier, etc. Que ça allait être compliqué pour Minnesota de pallier à ça. Au final, ils le gèrent très très bien. Et hier, quand on a parlé un peu en off, quand on a tourné l'épisode pour la conférence S, T'as parlé d'un sweep? je te parlais d'un possible sweep. Hier, tu m'as rayonné. Là, je pense que tu me prends plus au sérieux. Alors le sweep, ça me paraît quand même encore difficile, mais par contre, bah en fait là, Minnesota a presque déjà un pied en finale de conf, parce que gagner 2-0 à Denver, ça implique aux Nuggets d'aller s'imposer trois fois à Minnesota pour remporter la série. Ouais, complètement, ouais. Ah, là, t'as plus le droit de perdre un match. Ouais, complètement. Qui me paraît assez compliqué en 4 matchs, sachant que du coup, bah, en fait, tu joues qu'une fois à la maison sur les 4 prochains matchs, et il faut pas que tu perdes chez eux. Donc ça me paraît très dur pour Denver, là. Et en fait, au-delà de pure statistique et de ce qui s'est passé dans l'histoire, parce que du coup, on parle de 2-0, c'est très compliqué de se qualifier. Moi, c'est dans le jeu, en fait. C'est soit il y a un réveil au Game 3, soit c'est déjà fini, hein. Parce Ouais, que sans même. parler de probabilité, de stats et tout, c'est Ouais, genre l'attitude, le là, jeu, c'est ça. ouais, complètement. Comporte-toi comme le champion que tu es, Bah en et fait, après, on pourra voir quelque chose. on voit bien que Denver a beaucoup de mal à trouver les solutions pour pallier à la défense de Minnesota. Ouais, c'est clair. Et C'est s'ils clair, c'est n'arrivent pas à clair. les trouver, là j'ai même envie de dire, là, dès le Game 3, c'est déjà trop tard, mais bon, après, on ne sait jamais. Hein, on a déjà vu des équipes remonter à un 3-1 lead, donc sait-on jamais. Mais s'ils n'arrivent pas à trouver des solutions là maintenant, c'est foutu, foutu, hein, c'est sûr. Et ouais, c'est très surprenant comme série, mais ça fait plaisir. Au final, mon pronostic de voir les Wolves passer est en train de se dessiner, donc je suis plutôt content. Ça Ah bah là arrange je pas mon pense que tu bracket, seras mais par contre, content. mon prono est bon, donc c'est pas trop mal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Minnesota aller loin en playoff et du coup ça fait plaisir. Et voir Anthony Edwards monter en puissance aussitôt, aussi fort. C'est génial. Moi, j'adore le mec, j'adore le talent, j'adore le joueur. Donc, Voir ce collectif-là briller aussi, bah on peut le dire, parce que bah en fait il y a Rudy Gobert et ça fait plaisir de le voir jouer à ce niveau-là c'est vrai. aussi. En approche des JO, je pense que tous les Français sont satisfaits. Non, ce serait vraiment génial que si les Wolves arrivent à se qualifier en finale de conf. Est-ce que tu pars sur un petit pronostic sur la On avait série? déjà fait la preview, du coup, moi, j'avais mis Denver Est-ce que gagnant. tu le modifies? 4-2. Bah ouais, là je me sens obligé de modifier parce que j'ai beaucoup de mal du coup au final. On va dire que je suis un homer à retourner ma veste à chaque fois, et ce qui est vrai, hein, je l'assume. Mais quand je vois la difficulté de Denver à réussir à exécuter et la facilité qu'a Minnesota en fait à dérouler son jeu, c'est compliqué de pas voir Minnesota passer. Et en fait, je pense qu'ils vont même passer avec assez de facilité. Hein, en fait, ça me fait mal au cœur. Mais si un, allez, je vais dire 4-1. Je vais pas parler d'un sweep, mais on va parler d'un gentleman Oh, sweep. t'es Parce dur, que t'es dur. bah Moi, ouais, je maintiens Wolves en mais 7. faut que Denver montre de quoi ils sont capables. Là, il faut se réveiller maintenant. Hein. Moi, je pense que Denver va se réveiller, mais je veux que les Wolves passent. Du Ils coup, sur un jouent. match de 7, c'est-à-dire que Ouais. pour toi, Denver va chercher les deux matchs à Minnesota où il y a Bah, 3-1 et peut-être. après ils arrivent à remonter 3-3. Je pense que c'est le 3-3 et qui finit en 3-3. Le 3-1 qui finit en 3-3. Ok, Donc. ça me paraît très très compliqué pour. Ah ouais, En fait, pour mais moi, s'il y a on essaie. 3-1, je vois pas Denver remonter à 3-3. S'il y a une réaction d'orgueil sur le match 3, tout peut être espéré, je pense. Et bon, bah, faut pas sous-estimer le cœur d'un champion, hein. C'est tout. Non, ça c'est vrai, ça je suis tout à fait d'accord. Ouais. Donc voilà, moi je maintiens J'espère 4-3 que je vais me Wolves. faire karma et que j'aurai faux, parce Ah que. bah oui, parce que il faut que Jamal continue sa legacy, parce que sinon tu vas commencer à pleurer. En fait, si tous tes poulains ils sont éliminés des playoffs, après je serai tout seul pour enregistrer, ça va être la merde. Partir en dépression direct. C'est ça. De l'autre côté, du coup, on a le Thunder et les Mavs, du coup, parce que tu vas nous parler un peu des Mavs qui ont sorti les Clippers. C'était pas encore le cas lors de la dernière émission sur l'Ouest. Parle-nous un peu du coup de la série entre les Clippers et les Mavs. Bah du coup, on avait fait la preview semaine dernière, il y avait 2-2 à ce moment-là. On avait dit que le Game 5 était décisif parce que du coup, l'équipe qui gagnait le Game 5 gagnait la série 4-2. Du coup, on s'est pas planté. Luca Et a moi, été j'ai vu énorme. que Clippers avait vu Dallas. Bon, bah, tant pis pour moi, évidemment. Encore une fois, ne pas me suivre sur les pronostics. C'est Game vrai. 5 a d'ailleurs été une branlée en fait de Dallas envers les Clippers. Ouais. 123-93, 30 points d'écart. Les Clippers n'ont pas vu le jour du tout. On avait vu, c'était dans le Game 4, qui avait eu 25 points d'avance de Dallas, mi-temps, troisième quart-temps. Et les Clippers, non, l'inverse, excuse-moi, les Clippers Oui. qui avaient cette avance et Dallas qui a réussi à revenir. Bah là, malheureusement, les Clippers, eux, n'ont pas du tout réussi à revenir parce qu'en fait, ils n'avaient pas la force d'eux. Oui. C'est triste à dire, mais en fait, on a nos cadres qu'on n'a pas su exécuter comme il fallait. On se retrouve avec un Paul George, meilleur scoreur de l'équipe, à seulement 15 points, à 4 sur 13 au shoot. C'est vrai. On a un James Harden qui nous fait un 2 sur 12 au shoot. Russell Westbrook qui nous fait un 2 sur 11 au shoot. Donc, Game 5 trop compliqué, les shoots ne veulent pas rentrer. Dallas qui a réussi à défendre, hein, quand même, mine de rien. Ah, malgré tout, ouais. Ah ouais, on réussit à lock. Mais c'est pas normal, en fait, qu'une équipe comme les Clippers, avec le talent qu'ils ont, avec les stars qu'ils ont, avec la profondeur qu'ils ont, ils se fassent autant lock. Pas du tout normal. Encore une année où on peut dire que du coup, les Clippers se font éliminer parce que Kawhi Leonard n'est pas à 100%. Ouais, mais c'est un peu ce que je disais sur la dernière émission en parlant des Sixers, mais en fait, faut arrêter de se cacher derrière les blessures. Non, non, Arrête mais de. oui, non, mais complètement. Mais c'est pas tant, on se cache d'eux. En fait, ça peut s'entendre une année, ça peut s'entendre même 2 ans, de temps en temps, Chaque exceptionnellement. année, c'est Sauf compliqué. que là, c'est un jour sans fin. Là, on se répète, on n'en peut plus. Enfin, à un moment, c'est plus normal, quoi. Ouais, en C'est fait, pas faut normal. te débarrasse-toi de ces contrats-là, en fait. C'est comme nous, hein. Tu vois, À un genre. moment, ouais. Au bout d'un moment, au final, faut que tu arrives à prendre des décisions fortes si tu veux évoluer. Et ça passe par là. Des choses qu'ont pu faire, par exemple, Toronto à l'époque et qui ont payé dès la première année. Bon, Kawhi était le facteur X et avec Marc Gasol, etc. Mais en fait, tu as passé un step en mettant un all-in en faisant des choix forts. Et là, en fait, tu t'engranges dans un problème. Alors, parce que on parle des crises d'adresse de Westbrook, de Harden, etc. Mais c'est aussi comment l'équipe est fondée. C'est-à-dire que t'as, à part Kawhi et qui n'est pas en 100%, t'as aucun mec qui a l'expérience d'aller loin dans des finales NBA et de gagner un titre. Ouais, bah il y a des mecs qui ont quand même été plus ou moins loin. Paul George a quand même fait Oui, des de beaux la parcours finale de de playoffs. conf Russ a été en avec les finale. Pacers, d'accord, mais. Les mecs ont du parcours, ils ont de l'expérience. Il y a quand même 2 MVP, il y a 2 stars, il y a Oui, mais tout le ce qu'il, en problème, fait, il c'est y que. a tout ce qu'il faut côté Clippers. Ils ont fait une très bonne saison régulière, ils ont le record de victoire, ils ont un bon coach, ils ont absolument tout ce qu'il faut, mais à chaque fois on se retrouve dans la même problématique. Souci de santé et arrivé en playoff, les cadres font pas le boulot comme on l'attend. Mais moi, tu vois, c'est ça aussi qui. Grosse Parce que frustration. aller loin en playoff, c'est plus l'objectif, en fait, pour les Clippers. Ah ben non, L'objectif, bien c'est de sûr. gagner, tu vois. Mais il y en avait beaucoup qui les voyaient comme étant favoris pour aller au titre, et dont moi, en début de Mais saison, moi, je les avant voyais très même le trade inquiétants, d'Harden, parce que. j'étais partisan de les Clippers peuvent y aller. Et en fait, sur le papier, ils peuvent très bien le faire. Ils ont tout. Ils ont Bah absolument oui. tout ce qu'il faut. Ouais, mais ça suffit jamais. C'est ça le Mais ça problème. suffit jamais parce qu'en fait, dans l'ADN des Clippers, c'est une équipe de losers et juste, ça passera jamais le second tour. Voilà. Ça, Très c'est compliqué. pas. Ah ouais, c'est frustrant, hein. C'est très très criblant parce que l'histoire se répète à chaque fois. Et en plus, à Et en chaque fois, fait. ton bourreau, c'est Luka Doncic, quand ça se passe comme ça. Bah non, du coup, c'est la première fois que Luka, c'est le bourreau, hein, pour le C'est coup. la première fois? Bah, les autres séries Dallas Clippers en 2020 et 2021, c'est les Clippers qui gagnent. Ah, C'est effectivement. Oui, l'épopée c'est vrai. Nicolas Batum qui joue poste 5 Ah, j'aime pour bien ça, le c'est small vrai. ball défoncé Dallas. C'est vrai, c'est vrai. Il est vrai. Et du coup, la première fois que Luka Doncic prend enfin sa revanche face aux Clippers, donc ça c'est cool côté Dallas. D'ailleurs, Luka Oui. Doncic dans le Game 5 qui a fait un Ah, chantier il est monumental, monstrueux. hein, 35 points. Le mec, il a fait un peu la chanson côté Clippers qui, eux, de l'autre côté, n'arrivaient pas à se trouver. Et Game 6, pareil, en fait, le match a été entièrement géré par Dallas. Les Clippers n'ont pas réussi à remonter au score. Et puis voilà, bien joué les gars, bonne fin de série à vous. Ah bah Ça oui, fait c'est un peu ça. mal au cœur parce que dans un match à élimination directe, du coup, on se retrouve avec un Paul George, encore une fois, seulement à 6 sur 18. Enfin, on va pas trop s'étaler sur les Clippers, de toute façon, je pense qu'on fera un épisode un peu coup de gueule. Ouais, il y en aura qui popperont cet été, c'est sûr, je pense qu'on a de quoi parler. Ouais, Que ce soit ouais, toi ou moi, il y a moyen. ouais. Ouais, il y aura de quoi faire, c'est sûr. Mais du coup, on mais se du retrouve coup. avec Dallas qui passe. Ouais. Très belle série, enfin, très belle série qu'ils ont faite. On savait que l'attaque de Dallas était très très forte. Par contre, ce qu'on ne savait pas, et où ils nous ont surpris, c'est que du coup, défensivement, ils ont vraiment pu passer un cap. Ouais, notamment la très bonne série défensive de d'Eric Lively, ouais, qui a été vraiment impressionnant derrière la rotation de Gafford et Washington. Moi, il m'a vraiment impressionné, ce mec-là. En plus, derrière, de l'autre côté, il est capable d'aller attraper quelques lobes et des rebonds offensifs, etc. Donc, très précieux. Lively, qui c'est un peu la révélation à côté de Dallas sur ses playoffs, et Derrick Jones Jr. qui fait une série incroyable. C'est vrai. Parce qu'en fait, il s'est tapé tout le taf défensif, notamment sur des Paul George. Il a été descendu sur du James Harden, il est un peu plus grand et tout, et en fait, il a un peu la mobilité pour aller l'embêter. Ouais. Et en fait, il s'est tapé vraiment le sale poulot. C'est vraiment lui qui a été sortir les poubelles côté Dallas. Il l'a fait avec brio et c'est magnifique. Ouais. Il a ressorti un peu son ADN de Miami. Exactement. Ouais, complètement. J'ai bien aimé. La combativité, le jeu un c'est peu ça. Vicieux et tout, ouais, absolument. J'aime beaucoup. La série de Kyrie aussi, hein, parce qu'il faut en parler. Mais... Kyrie qui fait une énorme série, ouais, absolument. Presque plus précieux que Luka au final. Ouais, parce qu'en fait, Luka il maintient son équipe constamment en scoring, tandis que Kyrie il a pris les coups de chaud au bon moment pour donner les coups de boost et pour foutre les runs de 10-2, les runs de 10-0, pour aller chercher les points d'avance ou aller rattraper les retards qu'il fallait au bon moment. Alors, j'ai plus la stat exacte, mais Kyrie dans sa carrière, sur les matchs à élimination, il est invaincu. Ouais, il me semble que c'est un 12-0 ou une connerie comme ça. Ouais, je crois que j'ai vu passer ça aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment hyper impressionnant. Ouais, puis Kyrie en plus qui a retrouvé vraiment son top niveau, hein, vraiment qui a été impressionnant. Oui, oui. Limite, je ne l'ai peut-être jamais vu aussi. Enfin, après, c'est-à-dire l'époque Cleveland, il était incroyable. Ouais. Mais pour le coup, il est vraiment à son meilleur niveau, quoi. Enfin, ouais, il est totalement en symbiose avec ce collectif-là et ça fait plaisir de le voir jouer comme ça. Ouais, donc j'espère que ça va durer dans la série. Ah bah oui, par contre, oui, c'est clair. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, ce qui résume bien la série, en fait, c'est on a tous vu l'image où il y a Kyrie qui est... On en avait parlé déjà la dernière fois. Ouais, Kyrie dans le match qui 4, est sur trois défenseurs et qui arrive quand même à poser le lay-up et à rentrer son shoot. Ouais, voilà. Magnifique. Ça résume bien. Du coup, la série face au Thunder, comment tu la verrais évoluer? Série face au Thunder, alors, première chose que j'ai à dire, je pense que la série n'a pas encore commencé, je crois, à début de ce soir. Ouais. Donc ceux qui nous écoutent ont déjà les analyses du Game 1, nous pas encore. Je pense que ici, j'ai un petit peu sous-estimé le Thunder. Ils ont sweepé Nouvelle-Orléans comme on pouvait s'y attendre, entre guillemets. Ouais. C'est la meilleure équipe, etc. Et on a Shai, il n'y a pas longtemps, qui a répondu aux journalistes sur les critiques comme quoi l'équipe manquait d'expérience, de maturité, et il a dit comme quoi l'expérience et la maturité, ça n'avait rien à voir. Certes, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, mais ils ont une équipe très mature pour autant. Oui. Pour être tout à fait honnête, je pense que Dallas, de par leur expérience et de par ce qu'ils nous ont montré face aux Clippers, qui était une série bien plus compliquée hein, que a eu le Thunder, je pense qu'ils ont davantage d'armes et ils sont davantage en régime pour aller loin. Mais attention, parce que le Thunder est rempli de surprises. Moi, il y a un aspect qui me ferait pencher la balance. Ouais. C'est que même si le Thunder manque d'expérience, je trouve que défensivement et offensivement, ils ont un meilleur panel que celui des Mavs, où les Mavs peuvent être vraiment assez rectiligne dans le sens où en fait, bah, c'est ta base arrière qui te fait tout. Ouais. Là où le Thunder a toutes les armes pour défendre là-dessus. Bah, en fait, je me faisais la réflexion hier avec des potes. Les deux meilleurs joueurs sur le terrain, on va dire deux des trois meilleurs joueurs, c'est Luka et Kyrie, ça c'est sûr. Shai, je sais où, ça dépend avec qui on parle, mais disons que Shai est dans les trois premiers aussi, je sais pas dans quel ordre tu les mets, mais c'est les trois meilleurs joueurs, c'est ceux-là. Mais par contre, le meilleur 5 majeur, genre le meilleur 4e joueur, le meilleur 5e, le meilleur 6e, je pense que c'est côté Thunder. Club. Voilà. Ouais, tous les jours. Donc, t'as peut-être le meilleur duo, ça c'est indéniable, mais par contre, le meilleur 5 titulaire, le meilleur 5 de départ, je pense qu'il est côté Oklahoma. Même si les mecs manquent d'expérience, on a un mec qui est très grand en Chetum Graham, qui va protéger Arceau, qui va gober du rebond, et qui peut prendre des paniers faciles, parce qu'en fait, côté Dallas, ça manque un petit peu de taille quand même, hein, c'est leur petit défaut. Bah, quand même, ouais, on a des mecs qui vont se battre hein, en défense, là, on a Lugens Dort, là, qui va être envoyé en mission sur Luka, je pense. Ouais. Parce que Shai est peut-être plus long pour défendre Luka, je pense. Et Lugens Dort est un peu plus haut, ouais, mais en termes de mobilité, je sais pas comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Mais Shai a un rôle extrêmement important parce que je pense qu'il va devoir se battre en défense, que ce soit sur Luka ou contre Kairi. La mission, dans tous les cas, Ouais. elle n'est pas agréable. Et de l'autre côté, il va falloir beaucoup travailler en attaque, à la création, au shoot, tout. Donc lui, il a un rôle qui est monumental à lui de nous prouver qu'il est Ouais, le ça va être... MVP dont tout le monde parle. C'est plus ou moins lui la clé côté Oklahoma, sachant que moi, ce qui va me faire cliquer à fond sur cette série, ça va être comment Chet Holmgren va dominer cette raquette. Parce qu'en fait, en Ouais, face de je lui, suis il y a d'accord. très peu de matos. Mais il y a de la viande quand même, tu vois, on parlait Ouais, d'Eric Young mais... Jr., tu vois, qui se bat, les petits coups vicieux, Chet Holmgren, il n'a pas trop l'habitude de ça. D'accord, mais en fait, tu vois, genre par exemple, le seul Golgoth en face qu'il y avait, c'était Maxi Kleber, mais il est blessé. Donc en fait, à tout moment, t'as Chet Holmgren qui démonte la série à l'intérieur. Je parle pas forcément d'aller foutre du 30 points, mais en fait, ça se trouve, bah, le gars, il va prendre 16 rebonds de moyenne. Il va te mettre 4 contre parce que les mecs en face sont quand même toujours plus petits et moins athlétiques que lui. Enfin, peut-être plus athlétiques, mais en tout cas, lui, il va savoir défendre avec sa taille et son envergure. Et je pense que Ouais. ça va être un vrai casse-tête. Si le Thunder se sert de Chet Holmgren en tant que point de fixation offensif et que derrière en défense il sert de tour de contrôle, ça va être très dur, je pense. Ah ouais, je te rejoins. Dans la série face à Nouvelle-Orléans, donc il y avait quand même Valanchunas qui était sur lui, qui n'est pas Ouais, un ouais. excellent défenseur, mais bon, c'est quand même un gros sac de viande, hein. Oui. En Chet Holmgren tourne quand même à 15 points et 9 rebonds de moyenne face à lui. Donc, s'il peut faire au moins le même boulot face à Dallas, Ça bah, c'est m'étonnerait pas plutôt qu'il fasse embêtant. plus. Ah oui, non, mais de toute façon, il Voilà. va falloir qu'il fasse plus. Là, je pense que toute l'équipe de, à part peut-être Shai, on peut compliquer de lui en demander beaucoup plus, mais toute l'équipe d'Oklahoma va falloir qu'il step up d'un cran pour pouvoir aller chercher ces Mavs, Bah qui oui, sont quand c'est même un clair. cran au-dessus, je pense. Ouais, c'est sûr. On est d'accord avec ça. Mais. Pronostic, mon Rémi? Pronostic, je donne quand même l'avantage à Dallas. Ils ont l'expérience, ils ont le talent, ils ont une attaque qui est très très compliquée à arrêter et ils ont des joueurs dans la raquette qui sont plutôt vicieux. Donc Ouais. ils ont de quoi faire vraiment très mal à Oklahoma. Mais attention, ça peut être une belle équipe dans le pied. Je pense qu'Oklahoma va tenir deux matchs quand même. Donc j'espère au moins un à Dallas qui pourrait leur faire très très mal et que voilà qu'ils prennent la confiance. Je vois Dallas du coup passer 4-2. Tu vois Dallas passer 4-2. Ouais, Dallas qui va se faire peur sur certains matchs, qui va réussir à rectifier, mais qui va réussir à stopper l'offensive Thunder. Et si tu me dis que tu me fais passer le Thunder, je suis très content. Et bah, c'est exactement ce que je vais dire. C'était Let's go. mon bracket. Let's go. L'affiche qui était Ah, ça me dans cette plairait. demi-finale correspondait à ce que j'avais mis. Et je veux que le Thunder aille en finale de conf. Parce que une finale de conf Wolves-Thunder avec deux équipes qui ont mérité d'être là. Et en plus de ça, avec des équipes jeunes qui ont des styles de jeu qui sont vraiment agréables à regarder. Et peut-être un peu moins flashy que du Kyrie, etc., mais beaucoup trop efficace collectivement. Ça me fait plaisir que des franchises bâties dans ce sens-là Ouais, arrivent à bâti à la réussir. draft, C'est au ça. collectif, enfin pas forcément à la draft, mais au collectif, tu formes tes mecs qui sont jeunes. Exactement. Collectivement, on monte une équipe plutôt que. Allô, C'est toi t'es All-Star, vas-y, viens jouer avec moi. Toi aussi t'es All-Star, viens jouer avec moi. exactement ça. Au bout d'un moment, j'ai envie que ces équipes-là réussissent à performer, et du coup, j'aimerais vraiment une finale de conf Thunder Timberwolves. Ce serait Ah génial. ouais, putain, c'est vrai. Ah ouais, j'avoue que là, moi je suis fan. Je suis fan aussi. On a déjà vu une série de playoffs Thunder Timberwolves? Bah non, parce Ça me que parle pas, hein. la dernière fois que les Wolves ont passé un tour, C'était en c'était 2004. en 2004. Le Thunder n'était pas Et encore là parce que n'existait c'était pas. certainement la fin de Seattle et le début du Thunder, c'était pas Ah glorieux. ouais. Bah, Et Seattle Wolves, j'ai déjà dû avoir, là, comme ça me parle pas, mais. Les Wolves en playoff à l'époque de Wiggins, Lavine et tout, ça n'a pas passé un tour et il me semble pas que c'était contre le Thunder. Non, ça me Donc parle non, pas, non, je franchement. pense pas que ça a été que c'était une affiche qui a déjà eu lieu. Ouais. Du coup, enfin, en tout cas, c'est dans l'ère moderne, donc non, non, plutôt sympa. Ouais, complètement. Petit mot avant de finir pour Wemby, victoire du trophée du rookie de l'année unanime. Bon, c'est mérité en fait, Unanime? hein, il n'y a Ouais. pas de photo. Voilà. C'est bravo, Unanime, ouais, bravo mérité, là, c'est Victor. un historique, le mec, il tabasse tous les records un par un. Et je sais pas si t'avais vu la vidéo qu'a fait la NBA Si, pour. elle est magnifique, Oh là magnifique. là, elle est Allez incroyable la voir vidéo. ceux Je qui me mets n'ont à la pas vu place de encore. Wemby, j'ai failli pleurer. Ah vraiment, je me mets à la place de Wemby, je pense que je vis tout mon corps, il n'y a plus d'eau. Terminé. Bah, de toute Déjà que de façon, base, il n'y a pas déjà, beaucoup il n'y d'eau. a pas beaucoup d'eau, il n'y a que de la bière, donc Facile déconne celle-là. pas. Facile. Mais ouais, très belle manière d'annoncer le rookie de l'année à Victor. Allez voir la vidéo sur les comptes de la NBA officielle pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est un bijou de petite création. On sait que la NBA fait de mieux en mieux à ce niveau-là et ça fait plaisir de voir des trucs mis en place Ouais, aussi absolument. La stylés. surprise pour Wemby est juste top et la médiatisation de la vidéo est vraiment géniale. Absolument. C'est très réussi. Très Hâte de beau coup voir de com'. la vidéo qu'ils vont faire pour le deepoy de Rudy Gobert ce soir. Bon, ils vont mettre une petite affiche en Non, un Photoshop style propre. dégueulasse. À noter également, parce que ça m'a fait bien bien rire, il y a Shai Gilgeous-Alexander du coup qui est devenu papa et qui a nommé son gamin Arès, parce que c'est Ouais. le fils de Zeus qui est le dieu de la foudre. Moi, je trouve ça stylé. Il y a des chances qu'il reste au Thunder pendant quelques temps, je Il y pense, a parce que sinon il se moyen. sera trompé sur le nom Bah, du gamin. si le Thunder, vu comment ils ont commencé à se construire, Oui, s'ils arrivent complètement. Oui, je à pense faire qu'il en sorte de garder les gros cadres, parce qu'au bout d'un moment, il faudra payer les mecs, et bon, reste. on sait que c'est toujours compliqué. Mais s'ils arrivent à garder ce noyau-là, il y a des chances qu'il reste, hein. Le Thunder enfin, a été construit pour performer, et on en voit encore l'exemple cette année. Premier de conf à l'Ouest. Deuxième meilleur bilan de la NBA, et en plus de ça, bah là tu es en demi-finale et tu as des grandes chances de se qualifier. Il n'y a pas de Excellent. y a, Ouais. y a pas de y a pas de, de galère. Enfin, on ne dit pas que le Thunder va se faire sweeper, loin de là. Donc non, c'est Petite très chouette. question, je déborde un peu. Vas-y. Le Thunder, là, du coup, comme tu l'as dit, premier de conf et tout, ils arrivent en demi-finale de conf. S'ils perdent un genre de 4-1 ou même un 4-2 avec des scores un peu compliqués, c'est réussi ou pas réussi? Vu que c'est Ben, un peu les quand même premiers players. quand même réussi, apprentissage. Apprentissage. Je Suis d'accord pense avec toi, je te rejoins. il y aura de la déception, Mais on espère quand même mais. la combativité quoi jusqu'au bout. Ah bah oui, moi ça me fait pas peur. Ils m'ont l'air vraiment déterminés. Donc ça c'est cool. Ouais, complètement. On est tout bon pour cette émission, mon Rémi, ou t'as autre chose à ajouter? Non, j'ai rien à ajouter, moi je suis tout bon. Allez, parfait. C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. On est aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter @WakeUpNBA. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vive le basket, vive la NBA. Ciao! Bisous tout le monde!